encore ça. Tu m'as pris pour celui qui te tire, moi qui suis accro à ton sourire. J'ai décidé d'arrêter les femmes, j'ai décidé de laver mon âme. Terminer ton petit cul et ton strabisme, maintenant je t'aime en matière d'onanisme. Et je me branle, branle, branle toute la journée. Je me branle, branle, libre et apaisé. Je me branle, branle, branle, et je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. L'amour est un pion du capitalisme. Moi je t'aime en matière d'onanisme. Et je me branle, branle, branle toute la journée. Et je me branle, branle dans mon 20 mètres carrés. Et je me branle, branle, branle. Et je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. Curie moulu me sauve la vie. Je mange et je compose toutes les nuits. Toi tu pleures seul dans ton spiritisme, mais moi je t'aime en matière d'onanisme. Je me branle, branle, branle toute la journée. Je me branle, branle, libre et apaisé. Je me branle, branle, branle. Je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. Et je me branle, branle, branle toute la journée. Et je me branle, branle dans mon 20 mètres carrés. Et je me branle, branle, branle. Je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. Je me branle toute la journée, seul dans mon 20 mètres carrés. Je me branle libre et apaisé, je ne t'oublierai jamais.